En présence des maîtres de cette faculté, de mes chers convives, et selon la tradition démocrate, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la médecine. Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent. La maladie de Saxe. Et n'exigerai jamais un salaire au-dessus de mon travail. Adaptation, Pauline Timonier. Admis dans l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés. En 1998, la maladie de Saxe expose le quotidien d'un médecin de campagne. Entre consultations au cabinet médical, visites à domicile et permanence à l'hôpital, le docteur Saxe écoute, soigne et décide. En l'espace de 7 jours, entre septembre et juin, ce sont les habitants d'un canton qui se dévoilent. 5e épisode. Lundi 18 novembre, fin de garde, nuit, visite à domicile, matin. Toi, quand je te réveille, tu dis qu'ils vont te le payer. Tu vas leur compter 30 balles de plus pour déplacement abusif, exigence personnelle. Et quand tu reviens, tu es désolé, presque abattu, malheureux d'avoir été témoin de tant de misère affective, de tant de haine rentrée, de tant de malentendus empilés. J'aime bien travailler avec toi. Tu as souvent des anecdotes marrantes. Et puis tu ne me prends pas pour de la merde, comme le font la plupart de tes confrères. Tu es plutôt bavard. Tu commentes, tu expliques. Ça me tranquillise. Je n'ai pas toujours les réflexes qu'il faut pour répondre. Il faut dire que les gens appellent pour n'importe quoi, surtout la nuit. Ils pensent que je suis ta femme ou ta secrétaire. Ils me racontent leur vie et je suis obligé de me battre pour leur arracher le motif, l'adresse précise et le numéro de téléphone. Allô ? Oui. Désolé de vous réveiller, docteur. C'est le standard 24. J'ai un appel pour vous. Mmh. Allez-y. C'est pour un bébé qui a de la fièvre et qui pleure sans arrêt. Ah, sa mère l'a pas noyé ? Baigné ? Je sais pas. Mmh. Elle a peut-être pas de baignoire. Je vous donne l'adresse ? Oui, je prends un stylo. Il va très mal ? Il n'avait pas l'air d'aller aussi mal que sa mère. Il gazouillait pendant qu'elle me parlait au téléphone. Il a eu 38 toute la journée, et 40 cette nuit, quand elle s'est levée pour le recouvrir. Pour le recouvrir ? Avec de la fièvre ? Ben, moi, je vous dis ce qu'elle m'a dit. Je lui ai demandé si vous pouviez la rappeler, mais elle insiste pour avoir une visite. Et malheureusement, c'est à Sainte-Sophie sur Tournante. Je me demandais si j'allais y couper cette nuit. Bon, eh ben, j'y vais. Si vous avez autre chose d'ici là, ne me laissez pas me recoucher. Non, bien sûr. Allez-y, je note. Parfois, trop souvent à mon goût. C'est pour de vrai. C'est du saignant, du drame et de l'horreur. L'accident de la route à 5 dans la petite GTI rouge, et sur les 5, tu en trouves 4 très amochées et une morte. La petite amie du conducteur a pris le pylône quand ils ont raté le virage. L'hémorragie de l'utérus sur un cancer inopérable, et elle pensait qu'elle pourrait mourir chez elle, tranquillement. Mais voilà qu'il faut partir. La mort subite du nourrisson. Et puis il y a les toqués, les jetés, les panettes, les folles constipées chroniques qui appellent à minuit pour qu'on vienne leur faire une ordonnance de laxatif à domicile, si possible en passant par derrière pour pas réveiller leur mari, les violents de la caserne qui tabassent leur femme et menacent d'un fusil le voisin venu pour tenter de les calmer, dont la femme appelle les gendarmes qui te font venir parce que bon, eux, ils sont la force publique, le glaive de la loi, le bras armé de la justice, mais ils ont une femme et des enfants et quand il s'agit d'un agité, ils préfèrent d'abord demander au médecin de lui coller un Valium dans les fesses avant de l'embarquer. Quand je t'ai demandé si tu n'avais pas un peu peur, tu m'as dit que si, et que chaque fois, le fusil n'était pas chargé parce qu'il était tellement saoul qu'il ne trouvait pas les cartouches. Et puis, il y a les angoissés, terrifiés de passer encore une nuit seule avec eux-mêmes. J'ai plus de parents, j'ai plus d'amis, mes enfants sont partis, mes voisins sont en vacances, il faut que je parle à quelqu'un parce que sinon je vais tourner dingue. Les hystériques qui font leurs crises hebdomadaires, les adolescents qui pètent les plombs, les sans-gêne qui appellent calmement pour une prolongation d'arrêt de travail. Oui, je sais qu'il est 11h du soir, mais le lundi matin, impossible de voir un médecin. Ils sont trop occupés. Quand je suis allée là-bas, j'avais mal au ventre depuis des mois. On m'avait fait tous les examens possibles sans rien trouver. Ça faisait pas très longtemps qu'il était installé. Je me suis dit, un jeune médecin, il doit en savoir un peu plus que les vieux. Les douleurs me prenaient sans prévenir, le soir ou le matin, même quand j'avais des rapports avec mon mari. Il m'a dit que ça pouvait très bien être psychique. J'étais pas loin de le croire, vu qu'avec mon mari, ça allait pas fort. Je suis allée le voir 2 fois par semaine pendant 3 ou 4 mois. Il me gardait 1 heure, parfois 2. Mon mari n'était pas très content quand je rentrais, mais il pouvait pas dire grand-chose, forcément. Le médecin a proposé de le voir lui aussi, il y est allé une fois ou deux. Mais mes maux de ventre, ça s'arrangeait pas. Ça fait longtemps que ça dure, ça ne peut pas s'arranger du jour au lendemain. Moi, je trouvais que ça commençait à bien faire. Un jour, j'en ai eu assez d'aller lui raconter ma vie, j'ai annulé le rendez-vous. Quelques jours plus tard, en allant aux toilettes, j'ai trouvé l'explication. Je l'ai appelé. Quand je lui ai dit ce que j'avais trouvé, il y a eu un long silence. J'ai cru que la ligne avait été coupée. Il devait pas être très fier de lui. Finalement, il a dit... Je passerai déposer une ordonnance dans votre boîte aux lettres. 2 comprimés à 15 jours d'intervalle. Et voilà. Ça, il me l'a pas fait payer. Encore heureux, après toutes les consultations pour rien. Depuis, je n'ai plus jamais eu mal au ventre. Mais on va plus chez lui, on consulte à la vallée. Le médecin n'est pas jeune, mais il cherche pas la petite bête. Lui, quand on se croise dans la rue ou à la boulangerie, il me salue encore. Moi, je fais comme si je le voyais pas. C'est quand même de sa faute si j'ai dégusté pendant si longtemps. Psychique mon œil, oui. C'est quand même pas bien compliqué à soigner, hein, Ténia. Ah, enfin de la lumière. Madame, excusez-moi de vous déranger, je cherche la maison de Monsieur Bailly au lieu dit La Bulle. Oh, c'est pas ici, hein. Oh non, c'est pas ici, hein. Jean, viens voir. Ce monsieur cherche La Bulle, la maison Bailly. Alors, c'est pas ici. Tu pourrais y aller. Expliquez-moi. Vous allez partir dans l'autre sens. À 2 kilomètres, vous allez avoir un croisement. Continuez tout droit. 3 kilomètres plus loin, il y a une fourche. Vous prenez à gauche, et puis encore la première à gauche. Là, vous faites 500-600 mètres maximum. Vous allez avoir un virage en épingle à cheveux. Oh, bien raide, hein, le virage, attention. Juste en sortant, vous voyez un chemin qui part sur la droite. Oh. Surtout, faut pas le prendre, faut continuer tout droit. Surtout pas le prendre, le chemin. Jusqu'au calvaire. Voilà. Juste après le calvaire, vous prenez à gauche, une route qui descend. Et en bas de la côte, vous prenez sur la droite. T'es sûr? Oui, sur la droite. Oh. Au bout de 200 mètres, vous verrez un petit chemin, la bulle, c'est là. Il y a un panneau, mais il est tourné dans l'autre sens, ce qui fait qu'on ne le voit pas avant d'avoir dépassé. La maison est au bout de la côte. Voilà. Hein? Merci. Excusez-moi pour le dérangement. Et de temps en temps, il y a ceux à qui tu as le sentiment d'avoir rendu service. Un petit vieux qui est tombé de son lit et tu as réussi à rassurer tout le monde pour qu'on ne l'expédie pas à l'hôpital. Un jeune qui s'est cassé la gueule à vélo en pleine nuit et que tu as recousu. Une femme enceinte qui avait une bronchite et peur de perdre sa grossesse à force de tousser. Un représentant qui devait partir à 5 heures et qui se tapait une rage de dents. Un fils prodigue qui se remet à faire des crises d'asthme dès qu'il revient rendre visite à ses parents et qui a étourdiment oublié son pulvérisateur chez lui où ça ne lui arrive jamais. Une dame qui ne voulait pas qu'on te dérange, mais sa voisine a insisté parce qu'elle trouvait qu'elle n'allait vraiment pas bien, que tu as trouvé assise dans son lit, une tasse de tisane à la main, et qui t'a dit d'un air navré « Je suis désolée de vous avoir dérangé ». Auprès de qui tu t'es assis pour parler un peu, et quand tu es parti, tu t'es contenté de prendre l'attention, mais là, au bout du fil, quand tu m'en parles sans me dire ce qu'elle t'a confié, je te sens prêt à chialer. Et puis il y a les autres, ceux pour qui on ne peut plus rien, les décédés de fraîche date, subitement ou après une longue maladie, dans leur cour ou sur leur lit, les vieux, les jeunes, les moyennement âgés, les veufs, les entourés, les miséreux, les suicidés. Ah, excusez-moi. Je vous en prie. Oui, je le préviens tout de suite. Docteur, c'est pour vous, votre secrétariat. Merci. Je jette un coup d'œil dans la chambre. La sonnerie du téléphone n'a pas réveillé ma femme. Sur la table de la cuisine, il y a l'ordonnance que tu étais en train de rédiger. Ton appareil à tension, la lampe de poche et le marteau à réflexe. La petite cuillère que je t'ai préparée mais que tu n'as pas utilisée. Les boîtes de médicaments que ma femme prenait jusqu'ici. Je t'entends répondre par monosyllabes, puis raccrocher. Vous avez une autre visite à faire maintenant ? Non, on m'appelait pour me donner un résultat de prise de sang. Est-ce que je peux vous offrir un café ? C'est gentil comme tout, j'ai dû dormir 3 heures depuis samedi. Il me faudra bien ça si je veux travailler correctement aujourd'hui. Je suis désolé de vous avoir fait venir. Je vous avais dit que vous pouviez m'appeler chez moi. Ben, si j'avais su que vous étiez de garde. Si vous l'aviez su, votre femme vous aurait dit qu'elle pouvait attendre encore. C'est vrai. Et ça n'aurait pas vraiment été bon pour elle. Maintenant, au moins, elle va pouvoir dormir. Tu es penché sur ton ordonnance. Tes cheveux sont un peu trop longs, un peu sales. Le col de ta chemise est bien élimé. Ta veste de cuir a l'air d'avoir mon âge. Et je ne suis plus très jeune. Tes joues sont grises de barbe. Le moins qu'on puisse dire, c'est que tu ne fais pas très net. Mais la nuit a été difficile. Ma femme t'aime beaucoup. À plusieurs reprises, elle m'a dit qu'elle aurait aimé avoir un fils comme toi. Mais quand on s'est marié, ça n'était plus possible. Moi, j'avais déjà deux enfants, mais ensemble, il était trop tard. Je pensais qu'on aurait une bonne vie quand même. Arrivé à la retraite, on se dit qu'on va profiter un peu, s'occuper un peu de soi, faire des voyages, aménager la maison comme on a toujours voulu, sans jamais avoir le temps. Et puis voilà, la maladie lui est tombée dessus sans crier gare. Moi qui ai 10 ans de plus qu'elle, je croyais que je m'en irais le premier. On dit partout que les hommes vivent moins longtemps que les femmes. Que les femmes, c'est plus résistant. Et puis non. Mais avant que ma femme tombe malade, je ne savais pas que ça pouvait exister, ce genre de maladie. Il y a plus de maladies que tous les médecins réunis n'en connaîtront jamais. C'est vrai ? Mais avec tous les progrès de la science, pourtant... Mais on fait des progrès, mais pas toujours là où sont les besoins. Et sur sa maladie, qu'est-ce qu'on sait ? On sait comment la maladie évolue, on sait à peu près soulager les symptômes, mais on ne sait pas la guérir. Non, ça, la voir guérir, je n'y comptais pas, et elle non plus. Le docteur Jardin, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est venu vous voir. Lui, au bout de quelques mois... C'est vrai qu'on le faisait venir souvent, mais elle souffrait tellement, elle avait tant de mal à faire la moindre chose, je ne savais plus quoi faire. Moi, je ne suis pas docteur, et puis j'ai 72 ans quand même. Enfin, un bon jour, on ne l'a pas fait venir. Ma femme a tenu à ce que je la conduise, et pourtant c'était un calvaire de la faire marcher de la voiture à son cabinet. On a attendu 1h15 dans la salle d'attente, parce que vous comprenez, le docteur Jardin donne toujours 2 ou 3 rendez-vous à la même heure, alors c'est toujours plein. Quand il nous a fait entrer, elle s'est assise et s'est mise à pleurer. Je ne l'avais jamais vue pleurer comme ça. Elle a dit « Docteur, je n'en peux plus, je souffre trop, j'en ai assez, mon mari est fatigué, faites quelque chose. » Et là, le docteur Jardin l'a regardée. Il m'a regardé, il a levé les bras au ciel et il a dit « Moi, Madame Desoulières, je ne peux plus rien pour vous. » Et il s'est assis derrière son bureau. Et ça, ça voulait tout dire. Mais le pire, c'est son bureau. En fait, c'est pas un bureau, mais un petit comptoir en bois, comme il y en avait dans les pharmacies dans le temps. Vous voyez ? Oui, oui. Mais croyez-vous qu'il aurait mis son pupitre contre le mur dans l'angle ? D'abord, ça n'aurait pas encombré autant, et puis on l'aurait vu, lui. Mais non, son comptoir, il l'a mis face aux chaises. Et quand il s'assied derrière pour écrire ses ordonnances ou pour répondre au téléphone, on ne le voit plus du tout. C'est comme s'il n'était plus là. Des fois, il restait au téléphone longtemps, j'avais envie de toquer sur le comptoir et de lui crier « Oh là, il y a quelqu'un ?» Vous auriez dit. À quoi bon ? C'est pas parce qu'il est docteur et que moi, j'étais bouché dans le temps. J'ai quand même 20 ans de plus que lui. Pour moi, c'est un jeune blanc-bec. Ça n'aurait pas plu à ma femme. Eh bien, la dernière fois qu'on y est allé, il s'est assis derrière son bureau, comme ça. On ne le voyait plus du tout. On se demandait ce qu'il faisait. Alors ma femme a fait un effort terrible, elle s'est mise debout, et comme je me levais pour l'aider, elle a dit « Paye le docteur, on s'en va ». Elle n'a pas voulu qu'il lui fasse de feuille de sécurité sociale, parce qu'elle trouvait que ça serait malhonnête pour les gens qui suent sang et eau et qui cotisent pendant 40 ans. Elle a dit « Adieu docteur ». Et on est parti. Et c'est là, arrivée à la voiture, qu'elle m'a dit qu'une de ses amies lui avait parlé de vous et que tant qu'on y était, elle préférait qu'on aille vous voir plutôt que de rentrer tout de suite. Mais alors... La première fois que vous êtes venu me voir, elle était restée assise pendant 1h30 chez le docteur Jardin et encore 1 heure dans ma salle d'attente ? Oui. Mais vous savez, cette heure-là, on ne l'a pas senti passer. Ma femme était... Je ne sais pas comment vous dire. Elle allait mieux et elle était comme soulagée. Dans la salle d'attente, elle m'a dit « On aurait dû changer de docteur depuis longtemps. Ça l'intéressait pas de me soigner. C'est trop de travail pour presque rien. Mais on n'a pas le droit de traiter les gens comme ça. » Et moi, « Mais comment sais-tu s'il est bien, celui-ci ?» Et elle, « De toute façon, il ne peut pas être pire. » Ce qu'il y a aussi, c'est que quand on est arrivé, la salle d'attente était pleine. Tout le monde était assis, mais deux jeunes se sont levés pour nous donner leur place. Chez le docteur Jardin, ça ne serait jamais arrivé. Dans votre salle d'attente, il y avait des enfants qui jouaient calmement dans le coin avec des pluches. Il faisait bon, il y avait du soleil, les fenêtres étaient ouvertes, le cerisier était en fleurs. Il est à vous ? Non, malheureusement. Hein ? Et puis, quand vous êtes sorti de votre cabinet, à la façon dont vous avez dit au revoir à la personne qui partait, et puis bonjour à celle qui s'est levée, et puis la façon que vous avez eue de nous saluer alors que nous n'étions jamais venus. Ma femme a dit, je viens vous voir parce que le docteur Jardin a dit qu'il ne pouvait plus rien faire pour moi. Et moi, comme elle, on a bien vu que vous étiez choqué. Vous avez répondu, je m'en souviendrai toute ma vie, quelle que soit la maladie. Quelle que soit la maladie, on peut toujours faire quelque chose. On peut toujours faire quelque chose. Et quand on est parti, vous nous aviez gardés longtemps, et pourtant, elle allait mieux. Elle a marché jusqu'à la voiture sans que je la soutienne. Et pendant 15 jours, je ne l'avais jamais vue comme ça depuis le début de sa maladie. Elle a repris courage. Elle se levait le matin. Elle souffrait moins. Elle a même cuisiné plusieurs fois. Et j'y ai cru, vous savez, et elle aussi. Maintenant, je sais que c'était surtout parce que vous nous aviez remonté le moral sans nous raconter d'histoire, sans nous promettre qu'elle allait guérir. Je sais qu'elle va mourir. Elle aussi me le dit. Elle n'est même pas en colère. C'est elle qui me console. Elle dit que c'est de la faute à pas de chance. Elle dit que je suis encore solide et que je pourrais me remettre en ménage. Moi, bien sûr, je ne pourrais pas. Pas après avoir vécu tout ça avec elle. Mais même si je sais qu'elle va s'en aller, c'est pas que je le veuille, mais c'est plus une vie de la voir tant souffrir. Je voulais vous dire que ces 15 jours-là, ce n'est pas grand-chose, 15 jours, quand on a souffert sans arrêt pendant 3 ans. Mais ces 15 jours-là, elle vous en a toujours été reconnaissante. Et moi aussi. Cabinet médical de Plage Écoute ? Allô, Edmond ? C'est toi, Edmond ? Ah non, madame, vous avez dû faire une erreur. Vous êtes au cabinet médical de Plaie. Elle raccroche. Elle se trompe régulièrement. Je pense que c'est une vieille dame qui ne voit plus très bien. Elle n'arrive pas à faire le numéro correctement, ou bien elle a encore un vieux poste à cadran qui s'est grippé avec le temps. J'ai bien essayé de parler avec elle pour le lui expliquer, mais elle raccroche toujours aussitôt. Elle appelle toujours vers 10h30, 11h, sûrement son fils ou son frère, avec un prénom pareil. Il n'est même pas sûr qu'ils habitent par ici. À entendre son accent, elle n'est pas du canton. Les personnes âgées n'aiment pas le téléphone. Elles ont le sentiment que chaque appel coûte cher. Elles disent les choses très vite, sans s'arrêter. Elles ont du mal à comprendre ce qu'on leur dit et à tenir la conversation. Comme s'il leur fallait l'interlocuteur devant elles pour être sûre que ce qu'elles disent est bien compris et que ce qu'elles ont compris est bien ce qui a été dit. Elles ont du mal à répondre aux questions, elles ont du mal à expliquer le chemin qu'il faut prendre, elles ont du mal à parler dans le vide. Pour elles, le téléphone, c'est une épreuve. Et le répondeur que tu branches du samedi midi au lundi matin, c'est un calvaire. Ça parle, c'est tout ce que ça sait faire. Ça va trop vite, et ça ne dit que des choses inutiles. Un matin, j'ai fait un malaise dans un café. Le patron a pris peur, il a appelé les pompiers. Je voulais rentrer chez moi, mais ils m'ont emmené de force à l'hôpital. Avec toutes les emmerdes que j'avais à l'époque, je n'avais pas bouffé depuis la veille. Et il fallait en plus qu'on me fasse chier sous prétexte que j'étais tombée dans les pommes avant d'avoir pu manger un croissant. Je me gelais sur une table d'examen quand un type en blouse est entré dans le box. Il m'a regardé d'un drôle d'air. J'ai pensé, encore un salaud qui va s'amuser à me ploter. Il m'a donné un peignoir, il s'est assis sur une chaise, il a ôté ses lunettes. Je suis l'interne. Excusez-moi si je me mets à bâiller, j'ai pas dormi depuis 12 heures. Qu'est-ce qui vous arrive ? À l'époque, j'avais honte de ce qui m'arrivait. J'aurais voulu disparaître sous terre, mais je n'avais plus la force de mentir, alors je lui ai tout raconté. Au bout d'un moment, il s'est levé, il est sorti, il est revenu avec un chocolat chaud et un sandwich. Au bout d'un quart d'heure, il est revenu à nouveau. Il m'a pris l'attention, puis il a décroché le téléphone et appelé le chef de service en lui disant qu'il ne voyait pas la nécessité de me garder avec toutes les entrées qu'ils avaient eues pendant la nuit. Ensuite, il a déchiré l'affiche sur laquelle on avait inscrit mon nom en arrivant et il m'a dit de rentrer chez moi. Et comme il voyait que je ne bougeais pas, il m'a tendu la main, il m'a fait lever, il m'a donné ma robe, il a souri. Rentrez chez vous, beauté. Cabinet médical de Plage, écoute. Bonjour madame, ici la surveillante des IVG. Puis-je parler au docteur Sachs ? Ah, le docteur Sachs est chez lui, il était de garde cette nuit. Vous voulez que je vous donne son numéro personnel ? Merci, je l'ai. Mais je ne vais pas le déranger. Pouvez-vous seulement lui rappeler qu'il a donné un rendez-vous aujourd'hui à 13h ? Ah bon ? Il doit aller à l'hôpital ? Oui, pour voir une dame qui ne pouvait pas venir à un autre moment. Comme c'est inhabituel, il m'a demandé de le lui rappeler. C'est noté. Au revoir madame. Je ne suis jamais allé le voir. Son cabinet est à 100 mètres et tous mes voisins vont chez lui. Mais je me méfie avec tout ce qu'on voit. J'ai entendu dire des choses pas catholiques. La nuit, dans son cabinet médical, il paraît qu'il avorte des femmes parce qu'il gagne pas assez. Parce que j'ai 30 ans, j'ai déjà mal partout. À m'inquiéter. Parce que j'ai 90 ans. Et vous parce savez, que j'ai passé la cinquantaine et il serait temps. J'en ai marre de vivre. Parce que j'ai presque 60 ans et je voudrais que ça continue. Parce que j'ai 70 ans passés et mon fils me fait du souci. Parce que j'ai bientôt. C'était La maladie de Sachs de Martin Vinclair. Adaptation Pauline Timonier. Cinquième épisode. Avec Vincent Schmitt, le docteur Sachs. Et Lisa Schuster. Jonah Nizar. Marie-Bénédicte Roy. Samuel Churin. Laurent Cléry. Fred Ulysse. Anna-Amélie Heinz. Flora Brunier. Marie Daude. Françoise Gaziot. Donatien Guillot. Bruitage. Bertrand Amiel. Parce que j'ai presque 60 ans. Musique originale. Dominique Massa. Jean Rondeau. Erwan Ricordo, Clémence Gouet. Est-ce que j'ai 70 ans passé ? Équipe de réalisation. Claude Niort, Sébastien Labarre, Cécile Lafont, Jean-Mathieu Zande. Parce que j'ai passé la cinquantaine et il serait temps. La maladie de Sachs est publiée aux éditions POL et au livre de poche.